pleure. Y'a comme une anomalie. Ils ont bouffé le monde et on bouffe pas jusqu'en Somalie. De la bomba à la bombache, ils ont tout essayé. Ils ont mis de l'ombre dans les pays qui étaient ensoleillés. La vie de l'homme est imparfaite, c'est une longue route. La faute à qui si aujourd'hui l'Afrique est banqueroute? De leur côté c'est sûr, ils se sont enrichis. Mais c'est la merde, du Rwanda et jusqu'en Algérie. Dur pour le peuple de voir enfin le bout du tunnel. À part si tu connais perso le fils du colonel. Sous-développé, elle n'est pas florissante l'économie. Conséquence première de la guerre et des colonies. Aujourd'hui ils se vendent d'apporter leur aide. Mais ils oublient qu'en secret c'est eux qui ont inventé l'apartheid. Les livres d'histoire n'ont que peu de mémoire quand il s'agit des arabes ou du peuple noir. On nous fait taire et on bafoue les droits de l'homme quand on lève le poing comme Martin Luther ou Malcolm. Il pleut autour du monde, pas la peine de s'étendre. Regarde autour de toi, c'est tous les jours le 11 septembre. Le monde pleure, lassé de mélancolie. Victime de l'homme et de sa folie. Plongé dans la différence comme l'ONU. Et moi ma pleure car je suis trop ému. Le monde pleure, lassé de mélancolie. Dehors il fait un sale temps, décadence humaine orchestrée par Satan. Satan, au pire sur terre le mal gagne. Entre religion et terreur, excès d'amalgame. Mes raps gagnent en sanglots, pleurant leurs enfants. Le club un cimetière, voilà ce qu'ils en font. Affront ethnique au Rwanda, génocide tchétchène. À chaque nation sa misère, t'as qu'à changer de chaîne. Trop de haine, des gosses entrés, kaki. Une Afrique dépouillée que l'Occident maquille. À qui la faute si on avance sur un tas de mines? L'homme est perverti, les curés veulent des gamines. On se contamine. MST et autres maladies, des cris de désespoir, telles sont nos mélodies. On te l'a dit, le monde pleure, personne n'entend. La colombe s'est éteinte et cela depuis longtemps. Le monde pleure, lassé de mélancolie. Victime de l'homme et de sa folie. Plongé dans la différence comme l'ONU. Et moi ma pluie pleure car je suis trop ému. Le monde pleure, lassé de mélancolie. Victime de l'homme et de sa folie. Plongé dans la différence comme l'ONU. Et moi ma pluie pleure car je suis trop ému. Torture, viol, inceste, acte d'inhumain. À croire que le cerveau de l'homme tient de creux d'une main. Tu crois à toi, chacun sa vie, chacun sa peine. Tu rêves de belles voitures, des gosses rêvent d'une assiette pleine. J'ai rêvé d'un monde en paix, sans tuerie ni attentat. Sans sniper sur les toits, sans GIA ni CIA. J'ai rêvé d'égalité, fraternité entre les hommes. J'ai rêvé d'un monde en paix, sans P38 ni Magnum. Préjugés racial, tu vois, peu de tolérance. Nos enfants grandiront dans les ronces et dans l'errance. Mélange de culture, souvent du mal à tisser. Ni noir ni blanc, l'avenir je vois métisser. Le monde va mal, ouvre les yeux, c'est pas si tendre. Aux quatre coins de la terre, c'est tous les jours le 11 septembre. Guerre et paix, et peu de respect entre les gens. Question d'argent et de pétrole, pas de sentiments et pas de sang. Le monde pleure, lassé de mélancolie. Victime de l'homme et de sa folie. Plongé dans la différence comme l'ONU. Et moi ma pluie pleure car je suis trop ému.